courir, toujours courir. De la naissance jusqu'à la mort, en s'apitoyant sur son sort, courir jusqu'à en mourir. Faut que je me dépêche, il faut que je me barre de là où je crèche. À peine le temps de déjeuner, de me laver et de m'habiller. À peine sorti, il faut que je cours, comme d'habitude, je suis à la bourre. Tout ça pour aller me faire chier en classe pendant toute une journée. Courir, toujours courir, de la naissance jusqu'à la mort, en s'apitoyant sur son sort, courir jusqu'à en mourir. Courir, toujours courir, de la naissance jusqu'à la mort, en s'apitoyant sur son sort, courir jusqu'à en mourir. Une fois la scolarité terminée, on pense pouvoir se reposer, mais alors là on tombe de haut, qu'arrivent les problèmes de boulot. On espérait pouvoir être heureux, mais on court à la NPE, tout en cherchant quelques boulots, pourra se mettre quelque chose sur le dos. Courir, de la naissance jusqu'à la mort, en s'apitoyant sur son sort, courir jusqu'à en mourir. Courir, de la naissance jusqu'à la mort, en s'apitoyant sur son sort, courir jusqu'à en mourir. Avec la chance on veut travailler, mais d'autres ennuis viennent s'ajouter à sa vie pire que l'enfer, on ne s'occupe plus que de ses affaires. Pourtant on reste jusqu'au bout, on essaye de résister à tout. Finalement arrive la retraite, mais c'est trop tard pour faire la fête. Courir, toujours courir, de la naissance jusqu'à la mort, en s'apitoyant sur son sort, jusqu'à en mourir. Courir, toujours courir, de la naissance jusqu'à la mort, en s'apitoyant sur son sort, courir jusqu'à en mourir. Courir, toujours courir, de la naissance jusqu'à la mort, en s'apitoyant sur son sort, courir jusqu'à en mourir. Courir, toujours courir, de la naissance jusqu'à la mort, en s'apitoyant sur son sort, courir jusqu'à en mourir.